La science CQFD, Natacha Triou. L'un des enjeux de l'exoplanétologie est la recherche d'une planète candidate au statut de planète habitable. Qu'est-ce qui conditionne l'habitabilité d'un monde ? Alors que l'habitabilité de notre Terre est en jeu, nous entrons dans l'âge d'or de l'exploration des mondes habitables. Non pas pour aller vivre sur ces planètes, mais pour comprendre les conditions d'émergence de la vie. Et de nombreux ingrédients entrent en jeu. On fait souvent référence à la présence d'eau liquide, sur ou dans la planète, mais d'autres critères sont importants, le climat et l'atmosphère. Comment parvenons-nous à cette prouesse technique, celle de caractériser l'atmosphère de planètes à des années-lumière de nous ? Exoplanète, qui a une gueule d'atmosphère ? Elsa Ducrot, bonjour. Bonjour. Vous êtes post-doctorante en astrophysique au CEA. Franck Salsis, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux. Et nous sommes en ligne avec Emeline Bonnemont, bonjour. Bonjour, vous m'entendez ? Oui, je vous reçois. Vous êtes, Emeline, vous êtes professeure d'université à Genève et vous dirigez le Centre Vie dans l'Univers. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct de France Culture et merci à vous pour votre écoute. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter pour notre live tweet pour retrouver en toute transparence toutes nos sources. C'est dès maintenant @sciencecqfd et c'est à retrouver sur notre page franceculture.fr. Jusqu'à 17h, nous parlerons de ce qui rend les planètes potentiellement habitables, de comment analyser les atmosphères exoplanétaires et de l'émergence d'une exoclimatologie. On commence avec un système planétaire qui va beaucoup nous intéresser tout au long de cette heure. Il se trouve dans la proche banlieue du système solaire, Trappiste 1. Nous sommes en 2017. Elles sont 7 rocheuses de la taille de la Terre, toutes en orbite autour de la même étoile, Trappiste de son petit nom. Les astronomes ont donc découvert 7 planètes et leur étoile, un système complet, à moins de 40 années-lumière de nous. Une découverte excitante à plus d'un titre pour Michael Gillon, astronome à l'Université de Liège en Belgique. Ces 7 planètes sont toutes à bonne distance de l'étoile pour permettre, en théorie, l'existence d'eau liquide à leur surface, au moins sur une partie de leur surface. Et pour 3 d'entre elles qui sont dans ce qu'on appelle la zone habitable de l'étoile, on pourrait même avoir des océans à la surface de ces planètes. Et bon, qui dit eau liquide dit peut-être vie, donc ces planètes ont un intérêt biologique important. Et ce qui rend ce système d'autant plus intéressant, c'est que ces planètes sont autour d'une étoile qui est à la fois très proche et très petite, ce qui va permettre leur étude détaillée, contrairement à toutes les autres planètes potentiellement habitable qui avait été détecté avant. Ici, on va pouvoir étudier de manière très détaillée ces planètes et notamment étudier leur composition atmosphérique en utilisant d'abord le télescope spatial Hubble et puis il va y avoir le télescope James Webb qui va être lancé l'année prochaine, qui va vraiment permettre de déterminer leur composition atmosphérique et éventuellement détecter des traces chimiques de vie dans leur atmosphère. Voilà notre archive de 2017. C'est un système que vous connaissez bien tous les trois. Une réaction, Franck Salsis, à ce qu'on vient d'entendre. Oui, bah c'était un moment assez extraordinaire. Il n'y a pas de système équivalent à celui-ci qui a autant de planètes et surtout qui offre des conditions d'observation aussi formidables. D'ailleurs, en fait, on cherchait ce type de système pour pouvoir donner une cible au James Webb. C'est-à-dire que avant, dans la perspective d'avoir le James Webb, tout le monde disait oui, c'est un télescope qui va nous permettre peut-être de sonder l'atmosphère de planètes de taille et de température terrestre. Mais en fait, on n'avait aucun système candidat qui permettrait de faire ça. Et donc on s'est dit, la seule chose pour pouvoir le faire, c'est de trouver des planètes qui ont ces caractéristiques, mais autour de la plus petite étoile possible, et si possible le plus proche de nous pour qu'elle soit quand même brillante. Et Trappiste 1 a été trouvé de façon inespérée avec cette planète, et d'autant plus inespérée qu'aujourd'hui, on n'en a pas trouvé d'autres. On en a trouvé, disons, mais pas offrant des conditions d'observation aussi bonnes. Alors, vous parlez de conditions d'observation formidables, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en fait, on tire parti du fait qu'on est dans une configuration de transit, c'est-à-dire que l'orbite des planètes est orientée de telle façon à ce que les planètes passent à chaque orbite devant le disque de leur étoile, et derrière, et devant, et derrière, à chaque période. Et là, il y a 7 planètes qui font ça, et l'idée, c'est qu'on peut essayer, quand la planète passe devant ou quand la planète passe derrière, d'essayer d'extraire de cette observation des informations sur une atmosphère, soit parce que une partie de la lumière de l'étoile va filtrer à travers les limbes de l'atmosphère, ça c'est pendant le transit, soit parce que quand la planète disparaît derrière l'étoile, eh bien, on fait la différence avant-après, et la différence, c'est la luminosité de la planète qu'on peut donc étudier. On va revenir justement sur ces méthodes d'observation et de détection, mais avant ça, je voudrais bien qu'on continue ensemble, Elsa Ducrot, ce portrait de TRAPPIST-1, cette étoile et ces sept exoplanètes. Oui. Alors moi, du coup, j'ai fait ma thèse avec Michael Gillon, qu'on entendait tout à l'heure. Et je suis arrivée juste après la découverte, comme on en parlait avant. J'ai toujours travaillé sur TRAPPIST-1 en fait depuis ma thèse. Et c'est vrai que c'est un système très particulier, comme Franck l'expliquait. Donc c'est l'hôte la plus froide à avoir des planètes. Et ça a beaucoup d'intérêt, notamment cette méthode des transits qui fait qu'on a des signaux beaucoup plus forts, une étoile qui est très rouge. C'est très approprié pour un télescope infrarouge comme James Webb. Et un petit portrait de famille, du coup, on a sept planètes qui s'appellent TRAPPIST-1 B, C, D jusqu'à H. C'est pas des noms très... et on a un système très compact avec la première qui va avoir une période de 1,5 jours et la dernière avec une période de à peu près 18 jours. Donc c'est vraiment... un an égale 18 jours sur TRAPPIST-1 H. C'est sûr que c'est très différent de ce qu'on connaît, nous. Et donc du coup, un système complètement différent, une étoile très différente aussi. Donc, beaucoup, beaucoup de questions. Oui. Émeline Bollemont, vous aussi, votre réaction à cette archive et à ce système? Moi, j'avais été aussi hyper contente quand il a été observé, ce système, parce qu'en fait, j'ai fait ma thèse, d'ailleurs avec Franck, je ne sais pas si vous le saviez, mais j'ai fait ma thèse, en fait, sur des systèmes planétaires autour de toutes petites étoiles. Et à l'époque, il n'y en avait pas des systèmes comme ça qui étaient... Donc, j'avais fait une thèse, en fait, sur des objets qui n'avaient pas encore été observés. Et donc, évidemment, quand le système TRAPPIST-1 a été annoncé, c'était vraiment un grand moment aussi pour moi. Un des trucs, moi, que j'aime bien avec ce système, c'est que, OK, il y a des planètes dans la zone habitable, donc ça, c'est super intéressant, mais aussi au niveau de la dynamique du système, il est aussi assez remarquable. Parce qu'en fait, les planètes sont dans une configuration dynamique très particulière qu'on retrouve en fait dans les satellites de Jupiter. À savoir que quand vous, par exemple, dans les satellites de Jupiter, quand Io fait 4 tours autour de Jupiter, Europe en fait 2 et Ganymède en fait 1. Et donc vous avez comme ça une commensurabilité des orbites. Et on retrouve ça dans le système de TRAPPIST, mais avec 7 planètes. Et du coup aussi, il est intéressant sur tellement de points, ce système, que c'est... Ouais. Et comme le disait Franck, en fait, on n'en a pas découvert un qui soit aussi remarquable avec tous ses aspects, donc l'habitabilité, la dynamique et aussi les perspectives observationnelles. Cette exoplanète toute rocheuse. Alors pour bien comprendre cette histoire de l'exploration exoplanétaire, depuis la découverte en 95 de la toute première exoplanète, 51 Pegasi B par Michel Mayor et Didier Queloz, nous avons découvert un grand nombre de variétés, plus de 5000. Elles sont détectées donc par des méthodes dites indirectes, la méthode des vitesses radiales et par celle, la méthode des transits qu'on évoquait à l'instant. Je veux bien qu'on revienne ensemble sur ces méthodes-là, Émeline Bollemont, à commencer par celle des vitesses radiales, qui est peut-être celle la moins courante, mais on peut quand même en toucher un mot. Oui, avec plaisir. La méthode des vitesses radiales, en plus, c'est la méthode historique qui a permis la découverte de 51 Pegasi B, donc qui est la première planète découverte autour d'une étoile comme le Soleil. Et donc, c'est mes deux collègues, Michel Mayor et Didier Queloz de l'Observatoire de Genève, qui ont fait cette découverte il y a maintenant pas mal d'années. Et alors, c'est une méthode en fait, qui consiste à détecter en fait le mouvement de l'étoile. L'étoile bouge tout simplement parce que quand vous avez une planète qui tourne autour d'une étoile, en fait l'étoile ne reste pas statique. La planète en fait elle tire un petit peu sur son étoile. Et donc quand la planète tourne autour, ça fait bouger un petit peu l'étoile, donc qui va en fait s'éloigner de nous, se rapprocher de nous, s'éloigner de nous, se rapprocher de nous avec une période donc qui est la période à laquelle la planète fait le tour de l'étoile. Et en fait, on détecte ce petit mouvement avec ce qu'on appelle l'effet Doppler. Donc c'est exactement ce qu'on... Quand vous avez une ambulance qui passe, on connaît tous ce phénomène. Vous avez la fréquence du son qui varie suivant que l'ambulance vient vers nous ou qu'elle s'éloigne. Et en fait, cet effet Doppler qu'on connaît très bien pour les sons, il existe aussi pour la lumière. Et donc, en fait, pour l'étoile, ce que ça veut dire, c'est qu'on va voir, sa couleur va devenir un petit peu plus rouge, et après un petit peu moins rouge, un petit peu plus rouge, un petit peu moins rouge. Et, Et en fait, en effet. Excusez-moi, j'ai coupé mon portable, mais j'ai pas coupé le fixe. Excusez-moi. Et ça recommence. Ok. Désolée. Qu'est-ce que je disais ? Oui, alors voilà. Et donc en détectant cet effet Doppler pour la lumière, on peut avoir accès aux informations sur la planète. Donc en particulier sa période orbitale. Donc combien de temps elle met pour faire le tour de son étoile. Et aussi, plus le signal est important, plus la planète est massive. Donc voilà une... Votre téléphone sonne et vous êtes en plus coupé. On vous retrouve dans quelques instants, Emeline Bollemont. Nous étions donc en train de définir la méthode des vitesses radiales. Il y a donc aussi la fameuse méthode des transits, qui est celle qui est la plus utilisée. Franck Salsiz, vous avez participé à la première découverte d'une exoplanète rocheuse potentiellement habitable, Kepler-186f, de la taille de la Terre, et située dans la zone d'habitabilité autour d'une étoile, autour d'une naine rouge. Hein. C'est une parution dans Nature en 2014. Alors ça, cette découverte, c'est grâce à la technique des transits. Qu'est-ce qu'on obtient comme information avec cette méthode ? Oui, alors c'était un peu excitant en 2014 parce qu'enfin on trouvait une planète qui avait à la fois les dimensions qui permettaient sans aucun doute que ce soit, enfin, de déduire que c'était une planète rocheuse et qui était dans la bonne gamme d'insolation pour que ce soit possible d'avoir de l'eau liquide. Après, elle n'a pas d'intérêt en tant que cible de futures observations. Elle entre dans la statistique de toutes ces exoplanètes qui ont été découvertes avec le télescope spatial Kepler, qui sont autour d'étoiles qui sont plutôt très loin, et qui nous a révélé vraiment ça, plus la méthode des vitesses radiales, à quel point les exoplanètes étaient abondantes. Et c'est après, je dirais, les premières campagnes de vitesses radiales et après Kepler, donc télescope spatial qui a fonctionné entre 2009 et 2013, qu'on a pu dire... Eh bien, la majorité des étoiles ont des... Malgré nos limitations, c'est-à-dire le fait qu'on ne voit qu'une partie des exoplanètes, on est privé de la possibilité de voir beaucoup d'entre elles, mais malgré cette difficulté, on trouve que la majorité des étoiles ont des planètes. Donc ça, c'était, je dirais, la première chose vraiment fascinante. Et Kepler-186, je dirais, le fait qu'elle soit une planète potentiellement tellurique, parce qu'en fait, ces étoiles, elles sont tellement lointaines qu'elles sont mal caractérisées, et je crois que la planète, elle a un peu grossi depuis qu'on l'a trouvée, parce qu'on déduit les caractéristiques des planètes des caractéristiques des étoiles qui sont affectées d'incertitudes, et ces incertitudes diminuent au cours du temps. Et donc, les caractéristiques des planètes, quand elles sont incertaines, elles évoluent au cours du temps. Donc ça, c'est un petit peu anecdotique. On était super contents à l'époque. Et Emeline faisait partie de ça. Elle avait eu la chance de pouvoir passer à la télé avec Grishka Bogdanov pour en discuter. Mais voilà, c'était surtout... voilà, on sait que les planètes telluriques de taille terrestre sont communes. Celles qui sont à distance intéressante d'un point de vue biologique, d'un point de vue de la possibilité d'avoir de l'eau liquide de leur étoile, sont aussi abondantes. On n'a pas encore vraiment l'information pour les étoiles de type solaire parce qu'elles sont trop dures à trouver, mais pour les petites étoiles, un petit peu plus petites que le Soleil, voire vers les plus petites, on sait qu'elles sont extrêmement abondantes, et donc d'où l'idée d'aller les chercher du coup par d'autres méthodes et très près de chez nous pour pouvoir les observer un jour. Mais justement, Elsa Ducrot, pourquoi on s'intéresse particulièrement aux naines rouges, hein, ces petites étoiles, hein, parmi les plus petites ? Alors, moi, du coup, je suis arrivée... je crois que la première exoplanète a été découverte 3 mois après ma naissance. J'ai une version du domaine où je suis arrivée dans un domaine où il y avait déjà des milliers et des milliers d'exoplanètes. Pluton était encore une planète ? Quand j'ai commencé ma thèse, non. Mais mais quand j'étais au lycée, oui. Et donc bref, moi je suis arrivée dans mon sujet de thèse, c'était justement découvrir des planètes potentiellement habitables autour d'étoiles froides. Et ceci, pourquoi les étoiles froides ? Bah pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les étoiles froides, c'est les étoiles les plus fréquentes dans la galaxie et même dans notre entourage. Donc Franck parlait d'avoir des étoiles pas trop loin de nous. Et si on regarde dans une grosse bulle autour de nous, il y a clairement beaucoup plus d'étoiles naines rouges qu'il y a d'autres types d'étoiles. Donc déjà, ça en fait statistiquement beaucoup. En plus, il y a des études qui montrent que c'est sûrement plus probable d'avoir des petites planètes autour des étoiles naines rouges et même aussi plus probable d'avoir un multisystème autour des naines rouges. Donc ça, c'est intéressant. Mais la deuxième vraie raison, c'est le côté détectabilité. C'est plus simple de trouver une planète de la taille de la Terre autour d'une naine rouge parce qu'on regarde le transit, comme disait Franck. Et le transit, c'est un rapport d'air. Du coup, c'est un peu un rapport de rayon aussi. Et donc forcément, si on regarde le même rayon, c'est rayon de la planète sur rayon de l'étoile. Mais si on regarde la même taille de rayon de planète, il vaut mieux diminuer le rayon de l'étoile pour avoir plus de signal. C'est ce qui se passe ici. En plus, elles sont très froides. Du coup, la zone habitable, définie comme la zone où on doit avoir une température pour maintenir de l'eau liquide à la surface, la zone habitable va être plus proche. Du coup, les périodes pour les planètes en zone habitable vont être beaucoup plus petites. Pour comparaison, Trappistin E, qui est en pleine dans la zone habitable, elle a une période de 6 jours. Comparé à la Terre, ça fait quand même vachement plus rapide. Donc c'est super pour être détecté. Tous les 6 jours, on a une planète qui passe. Et la dernière raison, c'est aussi plus facile de les caractériser. Donc ça, j'imagine qu'on va en reparler avec le James Webb. Mais pour voir les signatures moléculaires sur ces planètes type Terre autour d'une étoile rouge, on a beaucoup plus de signal que si on avait une type Terre devant une étoile type solaire. Bien justement, comment caractériser ces atmosphères d'exoplanètes ? Restez à l'écoute. France Culture, la science CQFD, Natacha Trio. 16h16 sur France Culture, avec Elsa Ducrot, Franck Salsis et Mine Bolmont, nous parlons de la recherche d'exoplanètes habitables et nous parlons à présent de leur atmosphère. Nous venons de parler des techniques de détection, parlons à présent, Elsa Ducrot, de votre étude. Vous recherchez des planètes avec le James Webb Space Telescope potentiellement habitables autour d'une étoile froide et pour la première fois dans une étude parue dans Nature le 27 mars dernier, une étude que vous avez donc co-signée, vous avez regardé l'émission thermique de TRAPPIST 1B. Sur quoi est basée cette étude avant de parler de vos résultats? Alors, juste pour juste redire, avec James Webb, on n'essaye pas vraiment de détecter des planètes, c'est vraiment côté caractérisation, parce que le temps est précieux. Donc, dans cette étude-là, on a regardé, on parlait de TRAPPIST 1, et là, on a regardé la toute première du système, la plus proche de son étoile, TRAPPIST 1B. Donc, comme Mickaël le disait dans l'enregistrement, elle est catégorisée comme tempérée, c'est-à-dire que tempérée, on peut dire qu'elle reçoit entre 0,1 fois et 5 fois l'insolation de la Terre, mais elle est quand même un peu chaude pour être en zone habitable. Donc, c'est pas une planète zone habitable. Mais bon, elle est quand même, c'est quand même la planète la plus froide qu'on a observée en émission thermique. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Franck l'a expliqué tout à l'heure, il y avait deux méthodes. Il y avait la méthode du transit et la méthode de l'occultation. C'est quand la planète va passer derrière l'étoile. Et c'est ce qu'on a regardé ici. Donc c'est un moment très ténu, justement. En fait, ça dure autant de temps qu'un transit. Hein, ça dure, donc pour TRAPPIST 1B, dans le cas de TRAPPIST 1B, ça dure 35 minutes, cette occultation. Ce qui se passe, par contre, c'est que oui, il faut quand même regarder déjà dans la bonne longueur d'onde. Et il faut avoir de la bonne précision pour pouvoir voir ce qui se passe, la différence entre le moment où on a la planète sur le côté de l'étoile qui ramène un petit peu de flux en plus et le moment où elle est juste derrière l'étoile. Et là, on a que le flux de l'étoile. Donc c'est une soustraction entre flux lumineux planète plus étoile et flux étoile, le flux lumineux que étoile. Donc c'est un peu ténu. Et ça, pour comparaison, on avait travaillé, le télescope Spitzer a regardé beaucoup TRAPPIST 1. L'ancêtre du James Webb. Moi, je m'étais amusée à fouiller les données lors de ma thèse. Et il y avait notamment, dans les données Spitzer, 28 occultations de TRAPPIST 1B. Donc 28 moments où elle est passée derrière l'étoile. Et en combinant ces 28 moments, je ne voyais toujours rien. Bon, j'étais à une autre longueur d'onde, en proche infrarouge, mais avec 28 occultations, je voyais rien. Et là, avec James Webb, on a les données qui sont arrivées, donc les données qui ont été prises pour un programme pour Tom Green de la NASA. Et j'ai eu la chance de pouvoir les traiter. Et première courbe de lumière, ça, là, on est vraiment milieu infrarouge, et je vois l'occultation directe à l'œil nu, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a une différence quand même assez forte. C'était surtout à l'œil nu sur les données. À l'œil nu sur les données. Oui, bien sûr. Ouais, désolé, pardon. Mais, on voit pas la planète. Franck Salsis. Oui, il faut mieux le préciser. Oui. Voilà, dans les données. Franck Salsis, voilà. Il est question de mesurer la température d'une exoplanète. Ça, c'est possible grâce à l'imageur Mirim. C'est bien ça? Oui, alors c'est les observations que Elsa est en train de décrire. C'est-à-dire dès lors que vous avez la luminosité d'une planète dans une longueur d'onde, que c'est une longueur d'onde à laquelle ça n'est pas de la lumière qui est réfléchie, parce que si on observait dans le visible, par exemple, on pourrait tout à fait voir l'occultation, mais là, on verrait disparaître la planète, on verrait disparaître la lumière que réfléchissait avant la planète. Là, on voit disparaître la lumière qu'émet la planète à sa température. Donc, en fait, on peut, du coup, comme on connaît le rayon de la planète, et on le connaît à quelques pourcents, c'est quelque chose sur lequel on pourra revenir, c'est exceptionnel sur les planètes de TRAPPIST. On connaît le rayon et les masses à quelques pourcents. Il y a les exoplanètes, généralement on connaît soit l'un soit l'autre. Quand on connaît les deux, c'est souvent avec des grosses barres d'erreur. Là, on connaît la masse et le rayon, les dimensions, les densités de façon très précise. Les choses les mieux connues après. Voilà. Et du coup, on peut convertir ce flux que l'on reçoit en une température de brillance. Ce qui n'est pas vraiment une température physique, parce que la planète, elle peut très bien avoir toute une distribution de température. Et au final, ça se convertit, puisqu'on n'a pas de spectroscopie, là, on a juste un flux, en une température de brillance. Et par contre, on peut faire... mais ça, je vais peut-être laisser Elsa finir l'histoire, mais... En effet, on peut laisser Elsa nous raconter. Bah oui. Non, mais parce qu'en effet, on poursuit cette histoire. Je peux vous laisser raconter ce que vous avez découvert. Franck a vu des données tout à fait bien avant la publication, puis on a travaillé ensemble. Oui, on les a surlacées, mais on n'a pas le droit d'en parler. Et voilà. On est aussi investis tous les deux dans la même publication pour après. Donc, tout ce qu'il dit, je suis d'accord. Pour revenir sur cette étude parue, sur vos travaux parus dans cette revue Nature, oui. Justement, parce que c'est une méthode, c'est une première tout de même. Et quels sont vos résultats? Oui, alors donc, la méthode, on a déjà vu l'occultation de plusieurs planètes. Oui, même avec une rocheuse, mais là c'est une rocheuse tempérée. Mm. Et donc pour moi c'est un gros résultat parce que ça marque une entrée dans une nouvelle ère. Là c'est bon, on entre dans la caractérisation des planètes rocheuses tempérées. Donc c'est vraiment intéressant. Après, le résultat lui-même, donc voilà, comme dit Franck, c'est un point dans une bande photométrique, on a une température. On a comparé ça à différents modèles d'atmosphère. On a l'impression, c'est plus cohérent avec une planète qui aurait une atmosphère plutôt ténue, ou du moins en tout cas pas très riche en CO2, parce qu'on est au plein milieu d'une bande d'absorption de CO2 qui absorbe très fort et qui devrait vachement refroidir cette planète. Après, on n'a qu'un point. Donc du coup, pour l'instant, l'objectif de cette publication, c'était pas de dire il y a une atmosphère ou pas, c'était plus de montrer qu'on est capable, en seulement 25 heures de temps de télescope, détecter à 8 sigma, ce qui veut dire de manière très très significative, l'émission thermique d'une planète rocheuse tempérée. C'est plus ça le gros message du papier. Mais... Oui, pour remettre tout ça en perspective, Emeline Bollemont, hein, en quoi cette étude sur les planètes rocheuses, en quoi ce sont des résultats importants? Vous avez dit que c'est une nouvelle ère pour l'exoplanétologie. Emeline Bollemont, je voudrais votre réaction à ce sujet. C'est vraiment, oui, ce que dit Elsa, c'est que jusqu'à présent, les planètes qu'on arrivait à caractériser à ce point-là, c'était des grosses planètes, souvent gazeuses, souvent très très chaudes. Et là, on arrive à le faire maintenant pour des petites planètes rocheuses, et comme le disait aussi Elsa, pas très très très chaudes. On va dire que au niveau des températures, Trappiste 1b, elle est quand même beaucoup plus froide que les plus chaudes des exoplanètes qu'on a détectées. Et donc c'est vrai qu'on arrive dans un espace là de planètes entre guillemets, d'espace de paramètres de planètes qui est de plus en plus proche de celui de notre Terre. Alors bon, bien sûr, hein, l'étoile est très différente, bien sûr, on en a déjà parlé, mais voilà, en termes de à la fois de température et de taille, on arrive vraiment dans le domaine des rocheuses pas trop chaudes. Et ça, évidemment, c'est un grand pas en avant. Et on est vraiment content d'avoir découvert ce système-là parce que c'est lui qui permet ça pour la première fois. Franck Celsis. Alors oui. Alors on aurait. Alors bien que ce soit des planètes qu'on ne considère pas comme des cibles d'intérêt astrobiologique, c'est-à-dire on ne pense pas que ce soit des sites possibles pour la vie parce que c'est quand même chaud. On aimerait beaucoup trouver une atmosphère. Après bon, la planète elle est scalée, elle a une atmosphère ou elle n'en a pas. Mais on a une interrogation pour les planètes rocheuses autour des étoiles M, qui est que ce sont des étoiles que l'on appelle actives, magnétiquement actives. Elles émettent beaucoup de rayonnement X, de rayonnement extrême UV, et elles les émettent très longtemps durant leur vie. Et ça peut éroder les atmosphères. Ça peut peler les planètes, les débarrasser d'une atmosphère. Mais on n'a pas de bon modèle pour calculer ça. Donc une inquiétude qu'on avait, c'est que, ok, c'est très bien, les planètes rocheuses autour des étoiles M, c'est super, c'est comme chercher ses clés sous un lampadaire. C'est là où on a les meilleures c'est là où c'est le plus facile de regarder. Donc c'est là où on regarde. Mais elles sont menacées, ces atmosphères. Donc si on en avait trouvé sur la plus interne, ça aurait été extrêmement rassurant pour les autres. D'ailleurs, il n'y a pas de problème. Dans le système solaire, la plus proche, elle n'a pas d'atmosphère. Ça ne veut pas dire que les suivantes, elles en ont. Simplement, TRAPPIST-1b, la mesure qui a été faite par Elsa et ses collègues. Moi, avant de la connaître, si j'avais dit bon, ben si cette planète n'a pas d'atmosphère, vous allez mesurer cette valeur, et c'est exactement la valeur qu'ils ont observée. Donc, on peut pas aujourd'hui conclure, mais disons que la réponse la plus simple aujourd'hui serait de dire probablement qu'elle n'a pas, ou alors que l'atmosphère est très ténue. Ceci dit, on n'a qu'un point, et il va y avoir d'autres bandes d'observation, et il y a encore une autre technique qui est vraiment, elle, assez géniale pour déterminer la présence d'une atmosphère, c'est de se contenter de regarder le moment où la luminosité de la planète disparaît derrière son étoile, mais c'est qu'une fois que la planète a disparu derrière son étoile, et ça nous donne le niveau référence, c'est-à-dire l'émission de l'étoile sans la luminosité de sa planète, après on continue l'observation, et pas juste quand la planète ressort de derrière l'étoile, mais dans toute une partie du mouvement orbital, et donc là, la planète va nous présenter au début son côté jour, et petit à petit, sa phase va changer. Et donc là, en fonction de comment va varier l'émission en fonction de la phase, eh ben, si c'est une planète qui n'a pas d'atmosphère, ça va être une variation très facile à modéliser, puisque le côté nuit, il est glacial, et le côté jour, il est chaud, donc ça nous fait une espèce de sinusoïde très très ample. Et si par contre, il y a une atmosphère qui redistribue la chaleur, qui fait que le côté nuit est tiède au lieu d'être glacial, parce qu'il faut préciser, mais on y reviendra peut-être avec Emeline, que ces planètes, en fait, elles présentent toujours la même face à leur étoile. Elles sont comme la Lune par rapport à la Terre, mais on y reviendra. Donc, si elles n'ont pas d'atmosphère, on va avoir un côté jour très chaud et un côté nuit très froid. Et si elles ont une atmosphère, ce contraste va diminuer. Et ça, le James Webb peut, en théorie, nous le révéler dans ce qu'on appelle justement une courbe de phase. Et ça, plus des observations dans d'autres bandes, photométrique de Miri, là on devrait avoir un diagnostic pour la planète B mais aussi pour la suivante, pour la C. Elsa Ducrot. Exactement ce que Fran vient de dire, et d'ailleurs on a travaillé ensemble sur une proposition pour avoir cette courbe de phase, donc on croise les doigts là-dessus. Par contre, on peut déjà faire un petit teaser sur le fait qu'on sait qu'on va avoir les points dans une autre bande photométrique pour l'observation de l'occultation de Trappiste-1b, comme le disait Franck. Donc ça, c'est grâce au CEA. Le CEA a aidé à construire l'instrument Miri, et du coup, ils ont du temps garanti. Et donc moi, j'ai beaucoup de chance, j'ai rejoint le CEA en tant que postdoctorante, mais Pierre-Olivier, c'est mon chef actuellement, qui lui dirige ce programme. Pierre-Olivier Lagage. Et là, on a donc la même chose, on a 5 occultations de Trappiste-1b, mais dans une bande différente de celle qui a été présentée dans le papier que vous mentionnez. Du coup, on va pouvoir regarder si, à nouveau, cette mesure est encore cohérente avec cette histoire d'une planète sans atmosphère ou pas. Et donc là, pour l'instant, on n'a eu qu'une éclipse, je ne peux rien vous dire. On en a 4 autres à venir en juillet, et c'est très intéressant. Alors on parle du système Trappiste-1 et de ses exoplanètes rocheuses. De nombreux systèmes exoplanétaires abritent des planètes de la famille dite des Jupiters chauds, dont on commence à percer les mystères. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Natacha, bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour le reportage du jour, vous nous emmenez faire un tour dans les atmosphères de ces exoplanètes. Oui, et puis on laisse un petit peu de côté le JWST pour un temps, et on va utiliser le vieux matériel, mais qui a quand même donné de bonnes informations. J'ai rencontré Olivia Venot, qui est astrophysicienne et chargée de recherche CNRS au Laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques de l'Université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne. Les Jupiters chauds, ce sont ces planètes géantes gazeuses qui sont proches de leur étoile. Olivia Venot a participé à une étude pilotée par Quentin Changea, qui était une première dans son genre. L'étude non plus seulement de l'une de ces exoplanètes isolées, mais de plusieurs d'entre elles, 25 pour être plus précis. Et en utilisant les données des télescopes Hubble et Spitzer, Olivia Venot et ses collègues ont pu caractériser plus finement les atmosphères de ces exoplanètes et également apporter plus d'informations sur le phénomène dit d'inversion thermique de ces Jupiters chauds. L'idée principale de cette étude, c'est de faire une étude générale pour avoir une vision globale de la population des exoplanètes. Il y a beaucoup d'articles qui sortent, qui étudient en détail une exoplanète en particulier. Alors c'est très intéressant pour connaître cette planète en détail. Mais si on veut avoir une vision globale et extraire des tendances sur la population des exoplanètes, il est important d'étudier une large quantité d'exoplanètes. Vous êtes intéressé à une famille d'exoplanètes et à un groupe d'exoplanètes, donc c'est la famille dite des Jupiters chauds. Pourquoi avoir fait ce choix d'exoplanètes-là, de type d'exoplanètes-là, en lien avec une interrogation sur leurs atmosphères ? En fait, ce sont les premières exoplanètes qu'on a découvertes, puisque en fait, ce sont les plus faciles, entre guillemets, à détecter. Ce sont celles qui sont grosses et proches de leur étoile. Grâce en fait à ces caractéristiques, donc qu'elles soient grosses et proches de leur étoile, font que lorsqu'on les observe par transit, on peut avoir des informations sur la composition chimique de leur atmosphère, ce qui n'est pas le cas pour les planètes de type terrestre et un peu plus éloignées de leur étoile. On les détecte, on sait qu'elles existent, mais pour sonder leur atmosphère planétaire, on n'y arrive pas encore. Donc là, s'intéresser au Jupiter chaud, c'était, ben, en fait, ce sont les seuls à l'heure actuelle pour lesquels on a des informations sur la composition chimique. Les spectres qu'on observe de ces planètes présentent des signatures spectrales, c'est-à-dire qu'elles donnent des informations sur les molécules qui sont présentes dans l'atmosphère de ces planètes. Et à partir de ces observations, on peut remonter donc à leur composition chimique et aussi à la température qu'il y a dans ces atmosphères. Concernant les principales conclusions auxquelles vous êtes parvenus sur ces atmosphères de Jupiter chaud, quelles sont les informations les principales que vous avez pu tirer de ces observations et de cette étude ? Dans cet article, on a essayé de répondre à 5 questions qui sont encore ouvertes concernant les exoplanètes et les Jupiters chauds en particulier. Et parmi en fait les réponses qu'on a obtenues, on a trouvé que les planètes donc les plus froides de notre échantillon, donc avec une température inférieure à 2000 Kelvin, en fait avaient des profils thermiques sans inversion de température. C'est-à-dire que la température de l'atmosphère diminue au fur et à mesure qu'on va à des altitudes plus élevées. Et à l'inverse, on a trouvé que les planètes les plus chaudes de l'échantillon, donc avec une température au-dessus de 2000 Kelvin, elles présentaient des inversions de température. C'est-à-dire que la température commence à diminuer en montant dans l'altitude, puis finalement la température réaugmente quand on va à des altitudes plus élevées. Donc d'un point de vue très concret, comment est-ce qu'on peut expliquer que pour certaines atmosphères de Jupiter chaud, il y ait une inversion thermique, tandis que pour d'autres, il n'y en ait pas ? Est-ce que ça vient tout simplement de la composition chimique de ces atmosphères ? Et si oui, à quelle combinaison de molécules ça va correspondre ? Alors tout à fait, en fait, ces inversions de température, on a observé que les planètes qui présentaient ces inversions de température avaient aussi une composition chimique particulière. En particulier, ce sont des molécules qu'on dit réfractaires et aussi de l'hydrogène qui absorbent en fait l'émission stellaire et du coup qui créent cette inversion de température. Si on repart de la connaissance des atmosphères exoplanétaires et des atmosphères des Jupiters chauds, est-ce que ce type d'étude sur 25 exoplanètes permet de parvenir à une classification plus fine des exoplanètes selon leurs atmosphères? Donc en fait, oui, là, l'étude qu'on a fait, du coup, permet effectivement de classifier un petit peu ces planètes et notamment de classifier en fonction de la façon dont ces planètes se sont formées, la façon dont une planète se forme dans le disque protoplanétaire et l'endroit où cette planète se forme va ensuite avoir des répercussions sur la composition chimique finale de la planète. Et on observe effectivement que certaines atmosphères vont être appauvries en eau ou avoir, à l'inverse, un peu plus d'oxygène que d'autres planètes. Et justement, avoir ces différentes compositions chimiques permet d'avoir des informations sur la façon dont ces planètes se forment et d'améliorer un petit peu les scénarios de formation planétaire qui restent encore très incertains. Et on a une diversité d'exoplanètes qui est tellement importante que, en fait, on ne sait pas encore à l'heure actuelle exactement comment toutes ces planètes se forment. Il y a peut-être plusieurs scénarios de formation planétaire possibles. Et ce type d'étude, justement, généralisée sur une population assez large, permet d'affiner ces scénarios de formation planétaire et notre connaissance des exoplanètes et de la façon dont elles ont pu se former. Merci Antoine Beauchamp pour ce reportage. Émine Bollemont, une réaction à ce qu'on vient d'entendre ? La première, c'est que ça fait très plaisir d'entendre Olivia, qui était en thèse en même temps que moi à Bordeaux. Et puis bonjour Olivia, parce que je sais qu'elle nous écoute. Et voilà, les Jupiters chauds, c'est vraiment l'histoire du monde des exoplanètes. Hein. Ce que je parlais de 51 Pegasi B au début, c'était la première planète détectée, mais c'était une Jupiter chaude. Et donc là, avec les caractérisations des petites planètes telluriques, on se place vraiment sur les épaules des géants, entre guillemets, dans le sens où on essaie de faire le même type de caractérisation, mais pour des objets beaucoup plus petits, beaucoup plus froids, et c'est beaucoup plus dur, mais en même temps, on profite de toutes les expériences passées, donc de toutes ces caractérisations d'atmosphère de ces géantes. Et voilà. Franck Celsis. Oui, bah c'est intéressant à plus d'un titre. D'abord, il y a quelque chose de fascinant sur les Jupiters chauds, c'est que, malgré la difficulté propre à leur distance, ils offrent des informations que nos planètes géantes dans le système solaire nous cachent. Parce que comme elles sont froides, beaucoup des molécules sont condensées dans l'intérieur, et notamment les plus intéressantes pour nous, les plus abondantes, comme l'eau, qui est le réservoir d'oxygène. Ben, on le voit pas dans Jupiter, Saturne, etc. Et c'est sous forme de glace, très, très profondément, ou de vapeur chaude, dans l'intérieur de l'atmosphère. Les Jupiters chauds, ils n'ont pas ce problème-là, ils sont chauds. Donc, en fait, dans la partie superficielle de l'atmosphère, on voit tous les éléments. Ils sont portés par, ils ne sont pas forcément toujours faciles à observer, mais en tout cas, on peut regarder des rapports entre les molécules qui vont nous donner la composition élémentaire de la planète qu'on ne connaît pas pour Jupiter dans le système solaire. Donc, c'est très complémentaire. Et l'autre point, c'est qu'effectivement, ce qu'on est capable de faire avec un Jupiter chaud. Alors, Jupiter chaud, c'est assez rare hein, comme type de planète. Mais comme c'est vraiment les plus faciles à détecter par toutes les méthodes, bien, ce sont les premières à être sorties et ce sont celles sur lesquelles on peut vraiment caractériser les atmosphères. Mais on peut tout à fait, un Jupiter chaud qui passe devant son étoile, ça fait une baisse de luminosité de 1% qui se reproduit tous les quelques jours. Eh bien, en fait, on fait la même chose avec TRAPPIST, mais comment on arrive à faire ça pour des toutes petites planètes? C'est qu'on a pris, on regarde une étoile qui est de la taille de Jupiter. C'est-à-dire qu'elle est plus de la taille du Soleil, on la réduit d'un facteur 10, et donc on la réduit d'un facteur 100 en surface, et on a une étoile qui a la taille de Jupiter, et donc on a un objet de la taille de la Terre qui passe devant un objet de la taille de Jupiter. Alors on a des flux qui sont faibles, mais par contre, les effets relatifs, les baisses de luminosité, on est dans le même type de grandeur, le même type de grandeur que pour les Jupiters chauds. Donc c'est ça la richesse que nous permet un système comme TRAPPIST-1, ou d'une façon générale, les petites planètes autour d'étoiles froides. Alors, quand on dit des étoiles froides, elles sont froides pour des étoiles. TRAPPIST-1, c'est quand même à 2300 degrés Celsius, un truc comme ça. Et 2005, ouais, c'est ça. Voilà. Elsa Ducrot. Moi, ça me fait plaisir de faire cette étude. Je trouve ça passionnant. Et je trouve ça dingue qu'on puisse. On a un catalogue comme ça de tellement de planètes et qu'on puisse faire des études de population et comprendre de manière plus fine. J'avoue que j'ai hâte qu'on le fasse pour des planètes tempérées, rocheuses. Et ça arrivera avec le James Webb. Enfin, là, c'est Hubble et. C'est Hubble et Spitzer, si je sais ça. Et après, il y a des observations exceptionnelles de qualité sur les Jupiters chauds avec James Webb. Oui, bien mais sûr, tout sont, à fait. Elles sont publiées un peu au compte-goutte, mais il y a des choses. Et sur des planètes intermédiaires qui sont des Neptunes tièdes, des Neptunes chauds, comme Gliese 12-14b ou K2-18, qui vont arriver et qui vont être vraiment spectaculaires. Voilà, et c'est ça que peut-être dans 10 ans, on fera des études de population de tout ce que James Webb a regardé. Ça. Ouais. Alors, on se souvient avec cette idée d'atmosphère, évidemment, il y a la question de l'habitabilité, surtout pour ces planètes rocheuses et telluriques. Comment définit-on l'habitabilité? Avant de répondre à ces questions, on décolle pour la planète Arrakis, la planète de Dune. Arrakis de The Weldon Experience à 16h40 sur France Culture, car nous parlons d'exoplanètes en compagnie de nos trois invités. Elsa Ducrot, post-doctorante en astrophysique au CEA, Franck Salsis, directeur de recherche CNRS au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, et Émine Bolmont, professeur d'université à Genève. Nous venons de voir que l'enjeu actuel de l'exoplanétologie observationnelle est d'essayer d'identifier des indicateurs de vie en analysant à distance par spectroscopie la composition chimique de l'atmosphère de ces planètes. En 2019, ce qui avait fait beaucoup de bruit, hein, Franck Salsis, c'était l'identification de vapeurs d'eau dans l'atmosphère de l'exoplanète K2-18b, située dans une zone habitable. Patatram. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, K2-18b, bon, sa nature, elle reste à déterminer, et James Webb va être vraiment déterminant, justement, sur est-ce que c'est une grosse planète tellurique avec une atmosphère épaisse, ou est-ce que c'est plutôt un objet comme Neptune. Les observations qui avaient été obtenues avec Hubble semblaient plutôt montrer que c'était un objet type Neptune, parce que le fait même qu'en fait on arrive à détecter la vapeur d'eau, c'est parce qu'elle est portée par une atmosphère très légère, donc très étendue d'hydrogène, et donc d'avoir de la vapeur d'eau dans une planète qui a une grosse enveloppe gazeuse, c'est inévitable en fait. C'est-à-dire que les Jupiters chauds dont on a parlé avant, n'importe quelle planète où la condensation ne va pas cacher l'eau dans les profondeurs, va présenter ce qu'on appelle les abondances cosmiques des différents éléments, et l'oxygène qui compose l'eau avec l'hydrogène, c'est quelque chose qui est assez présent, et donc du coup on va retrouver dans ces atmosphères de la vapeur d'eau avec une fraction qui va être d'un 10 000e environ, et ça va donner des signatures de l'eau. Ça a été fait la première fois en 2007 avec Spitzer de façon très grossière, et puis ça s'est raffiné. Maintenant on détecte l'eau de façon très commune dans par exemple les cibles dont parlait Olivia Venot. La vapeur d'eau, c'est vraiment ce qui va structurer le spectre des Jupiters chauds, et c'est vrai aussi pour les Neptunes chauds, les Neptunes tièdes, et c'est vrai aussi pour K2-18. Alors au moment où ça a été annoncé, il y a eu un petit problème, c'est-à-dire que on a médiatiquement un peu placé cette planète dans la zone habitable et exagéré les possibilités d'eau liquide pour cette planète. Ce qui est surtout intéressant avec ça, c'est un peu ce que disait Elsa, et ce que disait Emeline, c'est-à-dire qu'on va vers des planètes toujours de plus en plus petites par rapport au Jupiter chaud et de moins en moins chaudes. Et K2-18, c'était une étape très importante vers un objet où on avait un autre objet qui s'appelle Gliese 12-14b, qui est une planète très intéressante aussi, qui est intermédiaire entre les planètes de type Neptune et les planètes telluriques, mais on a un spectre plat, c'est-à-dire pour l'instant on n'a pas d'information. Le James Webb va sûrement tout changer, et K2-18 avec Hubble on avait une signature de l'eau, donc c'était quelque chose de très positive, qu'elle est dans le bon sens, mais l'eau n'a rien d'exceptionnel en soi. Il y a vraiment de l'eau partout dans le cosmos. Ce qui nous intéresse, c'est par contre les endroits beaucoup plus rares où l'eau peut exister à l'état liquide. Et c'est là que vient naître cette notion d'habitabilité, en tout cas pour les physiciens que nous sommes, et qui simplifions tout terriblement et qui allons simplifier l'habitabilité à la réduire l'habitabilité à la présence possible de liquide. C'est ça, mais Émeline Bolmont, pour qu'il y ait de l'eau à l'état liquide, à la surface d'une planète, il faut qu'il y ait une atmosphère. Oui, effectivement. Et puis c'est là aussi toute la difficulté qui est devant nous, en fait, parce que on sait pas de quoi sont faites les atmosphères de ces planètes. Donc souvent on fait des approximations, on dit on va considérer que la planète que j'étudie, donc dans laquelle, enfin, et j'essaie d'estimer son habitabilité, on va dire que son atmosphère, elle est proche de celle de la Terre, donc on va mettre de l'azote, on va mettre un petit peu d'oxygène, on va mettre un peu de CO2, et puis on va regarder si, avec toutes les données qu'on a de cette planète, on va tout mettre ça dans un modèle climatique. Et puis ça va nous dire effectivement si on peut avoir de l'eau liquide à la surface. Mais ça dépend de ce qu'on met comme atmosphère dans notre planète. Rien ne nous dit que la planète, elle a une atmosphère comme celle-là. Elle pourrait avoir une atmosphère dominée en CO2, elle pourrait avoir une atmosphère très riche en oxygène. Et donc, en fait, quand on essaie d'estimer l'habitabilité, par exemple, on a parlé un peu au début de Trappistin E, Et ben ce qu'on fait, c'est qu'on fait ces modèles climatiques avec plein d'atmosphères différentes. On fait varier la quantité de CO2, on fait varier même la quantité d'eau. Et en fait, si on trouve pour tous ces mélanges d'atmosphères différentes, si on trouve qu'il y en a beaucoup qui aboutissent effectivement à la présence d'eau liquide à la surface, bah là on est content parce que ça veut dire que on a eu beau essayer de changer l'atmosphère de plein de façons différentes, on trouve pas mal de cas pour lesquels on a de l'eau liquide. Donc c'est un très bon signe, on va dire. Et Trappiste 1E est une planète comme ça. Proxima B aussi, ça marche plutôt bien. Là, on arrive sur un point intéressant, celui du climat et des modèles atmosphériques d'exoplanètes. Franck Stelcis, là où on progresse, ce sont les outils de modélisation des climats de ces planètes-là. Ah oui, alors c'est pratique parce qu'on n'a pas d'observation pour les comparer. On peut faire un petit peu, on peut jouer avec. Non, mais c'est vraiment un domaine qui explose et je dirais qui a été débridé par la richesse, la grande diversité des exoplanètes. On a déjà une diversité des exoplanètes en termes de taille, d'insolation des planètes, de type de leur étoile, de paramètres orbitaux. Cette diversité, elle va encore exploser si on rajoute des caractères propres à la planète. Bien sûr, sa composition, son contenu en eau, sa rotation, son obliquité, c'est-à-dire ce qui va donner les saisons, la composition de son atmosphère. Et donc là, on est face à un champ extrêmement, extrêmement riche. Et qu'on est obligé d'aborder avec des modèles assez complexes, des simulations numériques qui ressemblent aux simulations numériques qu'on utilise pour étudier le climat terrestre, qui ont d'abord été exportées aux atmosphères du système solaire, Mars, Vénus, les planètes géantes, etc. Et puis, face à la pluie, je dirais, de découvertes d'exoplanètes, il y a des gens, notamment François Forget au laboratoire de météorologie dynamique, qui en sont dit, bon, mais il faut qu'on fasse un modèle générique qui est bâti sur de la physique robuste, mais sur lequel on puisse changer facilement le rayon de la planète, le type de l'étoile, sa rotation. Et donc, ça ouvre un champ assez spectaculaire. Et dans le cas d'un système comme Trappist-1, où on connaît l'étoile, c'est plus un paramètre, on connaît les dimensions de la planète, la gravité, c'est plus un paramètre. On pense théoriquement qu'on connaît leur rotation, c'est-à-dire qu'on a une rotation qui est synchrone et sans obliquité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de saison sur ces planètes-là, et elles tournent sur elles-mêmes avec la même période qu'elles tournent autour de l'étoile. Donc par exemple, la Lune tourne sur elle-même en à peu près 27 jours et tourne autour de la Terre en à peu près 27 jours, ce qui fait qu'elle présente toujours la même face à la Terre. C'est un effet dû aux forces de marée. Donc on a beaucoup de choses qui sont contraintes et on va effectivement jouer avec la quantité d'eau et la composition atmosphérique. Mais justement, cette composante dynamique que vous décrivez, comme cette face de la Lune qui expose toujours cette même face, comment, au niveau climat, quelles conséquences ça peut avoir, ça ? Mais alors, au début, en fait, c'était vraiment... Alors, on voyait vraiment l'habitabilité autour des petites étoiles, autour des étoiles M, de ces naines rouges, comme vraiment une accumulation d'obstacles et de difficultés et de menaces. Et la première, c'était vraiment cette question de la rotation synchrone. On se disait, s'il y a de l'eau, elle va être prisonnière sur le côté nuit. Dans l'archive que vous avez passé au début, il y avait Michael Gillon qui était très optimiste et qui disait toutes les planètes de Trappist-1 ont quelque part à leur surface des endroits où la température est compatible avec de l'eau liquide. En fait, ça marche pas, parce que si vous prenez une planète comme par exemple Mercure, effectivement, vous avez des endroits où il fait la même température que ici dans ce studio, et si vous imitez de l'eau, elle va s'évaporer et puis elle va aller condenser dans un endroit qui est froid. Donc il faut vraiment considérer la planète dans son ensemble, et c'est ça qui a amené à des finir la zone habitable, on y reviendra peut-être plus tard. Mais effectivement, si cette planète, elle est synchrone, ça faisait très peur. Et en fait, on s'est aperçu avec des modélisations que ça offrait toute une gamme de climats habitables, dans le sens où on peut avoir des océans, si vous voulez, des eaux liquides, qu'on ne peut pas avoir dans des conditions, finalement, dans une plus grande gamme de paramètres que dans le cas d'une planète comme la Terre, pour différentes raisons. On pourra y revenir, mais donc ces modélisations ont montré que la synchronisation, c'est pas un obstacle insurmontable, au contraire, ça ouvre aussi des possibilités. Elsa Ducrot. Moi, je trouve ça très intéressant. Alors moi, du coup, je viens de plus de la partie observation. Donc, tout ce que Franck disait au début en disant que pour l'instant, ils peuvent mettre plus ce qu'ils veulent dans les modèles. Le but, nous, ça va être d'apporter des compositions atmosphériques pour alimenter ces modèles et faire un petit peu le pont entre les deux. Mais en effet, c'est grâce à des modèles comme ça, de génériques 3D, qu'on peut circuler, enfin, qui modélisent la planète dans son ensemble, qu'on peut expliquer beaucoup de choses sur ces planètes autour des étoiles M. Et notamment répondre à des petites questions, des questions et des obstacles qu'on avait. Il y en a un autre, par exemple, qui va pouvoir faire peut-être réagir Emeline. C'est le côté où ces planètes, on peut, comme elles sont synchrones et qu'elles ont vécu très longtemps, on peut se dire que peut-être qu'il n'y a plus de tectonique des plaques ou quelque chose comme ça. Mais comme en fait, comme un système comme Trappistin, il y a beaucoup d'effets de marée, d'attraction entre les planètes. Et ben, c'est pas dit que l'énergie interne ne crée pas beaucoup de choses. Je sais pas si Emeline, tu as envie d'expliquer un peu plus les effets de marée, vu que c'est ton domaine. Emeline Balmont. Donc en fait, là, l'idée, donc, c'est que. Donc je parlais au tout début, là, j'avais fait une analogie entre le système de Trappiste et le système de Jupiter, et en fait cette analogie elle marche très bien pour plein de façons différentes. Et une d'entre elles, c'est que par exemple on sait que dans le système de Jupiter, on a le Io en anglais, qui est le satellite là, le plus proche de Jupiter. Et en fait, la chose intéressante, c'est que Io est le corps le plus volcanique qu'on connaisse dans le système solaire. On va dire que si vous regardez Io dans l'infrarouge, donc dans cette gamme de longueur d'onde qui permet de voir la température des corps, bah vous voyez en fait plein de points chauds à la surface du satellite. Et on a aussi des observations de volcans géants qui rejettent des particules dans l'espace. Et donc voilà, Io est très très volcanique, et ça c'est dû au fait que l'excentricité de son orbite, donc l'excentricité hein, c'est un paramètre qui nous dit si par exemple une excentricité de zéro, ça veut juste dire que l'orbite est circulaire, c'est un cercle parfait, et quand on a une excentricité, c'est dire que l'orbite elle est un peu aplatie. Donc ça veut dire qu'en fait la planète, quand elle est sur son orbite, eh ben elle ressent une force de gravitation due à Jupiter différente en tout point de son orbite. Et ça veut dire que à l'intérieur le satellite, il va être déformé en permanence. Et si vous déformez une planète, eh ben en gros ça fait chauffer son intérieur. Et le volcanisme qu'on voit sur Io, c'est une illustration entre guillemets de ce chauffage intérieur. Donc maintenant, si on translate tout ça, on revient sur Trappiste, ben on est exactement dans la même configuration dynamique hein, dont je vous ai parlé au début. Et donc on s'attend que la petite excentricité qui reste dans le système, qui est due vraiment aux interactions gravitationnelles entre les planètes, on pense qu'elle peut être suffisante pour créer un chauffage de marée qui éventuellement pourrait peut-être déclencher effectivement un cycle de tectonique. Alors après, c'est une question qui est très très très complexe, la tectonique des plaques. Si on en parle avec des géophysiciens, c'est vraiment pas encore compris comment et pourquoi ça s'est déclenché sur la Terre. Mais un des ingrédients qui paraît important pour la tectonique des plaques, c'est la présence d'eau liquide. Et nous revoilà. Et voilà, ce sera le mot de la fin, Emeline Bolmont, la boucle est bouclée. En plus, on revient sur cette Terre primitive qui nous permet aussi de mieux comprendre comment regarder notre monde, cette Terre primitive, comment regarder notre propre monde dans son passé, ses soutiers pour explorer l'habitabilité d'ailleurs. Merci à vous trois de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. On revient sur notre bonne vieille Terre pour retrouver Gilles Boeuf et sa chronique. Le pourquoi du comment, c'est chaque jeudi. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des sons dans la nature et un peu de l'origine de la musique aussi. Alors en fait, en 1925, il y a un biologiste slovène qui s'appelle Ivan Regen, qui est le père de la bioacoustique, hein, l'étude de la biologie des sons. Il se met à étudier la stridulation des criquets, des orthoptères et des sauterelles. Il démontre comment avec un téléphone, à l'époque il n'avait que ça, ces insectes produisent des sons et répondent aux stimuli acoustiques à d'autres sons de la nature autour d'eux, d'autres individus. Émis par des systèmes artificiels également. Ils répondaient en fait. De nouvelles technologies seront peu à peu utilisées comme le phonographe, durant le début du XXe siècle, puis après l'essor de l'électronique, les oscilloscopes, tout ce que vous voulez, permettra des approches de plus en plus sophistiquées, et c'est le décollage d'une science qui s'appelle la bioacoustique. On regarde un animal, on mesure ses couleurs, sa taille, là on va écouter les sons pour le caractériser. Les progrès les plus récents concernent l'impact du bruit anthropique. Au départ, dans la nature, il y avait de la géophonie, un volcan, le vent, dans des vallées bien sûr, un tremblement de terre. Puis après, il y a eu la biophonie, les sons créés par le vivant. Et maintenant, nous avons l'anthropophonie, les sons créés par les humains, le jet ski, un avion qui passe, qui ont tout modifié. Et ces sons de l'humain modifient beaucoup les sons naturels qui étaient là antérieurement. Donc, on étudie beaucoup les relations entre les humains et les non-humains et leur environnement acoustique, souvent dénommé le paysage sonore. Et un paysage sonore, c'est aussi joli qu'un paysage visuel. De nouvelles techniques aujourd'hui ont même été récemment proposées comme une méthode non-invasive pour estimer la biodiversité, conduisant à une nouvelle discipline qui s'appelle l'éco-acoustique. Elle est née au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Par exemple, on a des grenouilles qui sont exactement similaires quand on les regarde, la même tache bleue et jaune. Et quand on les fait chanter, pas du tout pareil, elles ne se reconnaissent pas entre elles. Le vivant a discriminé sur le son et pas sur l'aspect visuel. Alors le grand homme de cette question s'appelle Bernie Krause, est américain. Il a joué un rôle majeur dans l'étude de cet univers sonore. À 3 ans, il jouait du violon. C'est un pionnier de la musique électronique. Il invente un synthétiseur avec son copain Paul Beaver. Il va faire les plus grandes musiques de films à l'époque. Et il a eu l'idée du Wild Sanctuary, c'est-à-dire un endroit où on allait faire de la musique naturelle et de la musique humaine. Une musique qui utilise les sons naturels, non humains, et l'introduction à l'écologie dans le champ musical. Il fait un livre fabuleux en 2011, Le Grand Orchestre des Animaux. Il montre que tout se fait pas par hasard. Chacun attend que l'autre ait fini de chanter. Ce livre a été, bien sûr, une fabuleuse évocation de la nature. Il part il y a 16 000 ans, avant l'arrivée des humains en Amérique du Nord, les tigres à dents de sabre, les mastodontes géants, les tatous, les castors géants, les rennes, les paresseux. Et il raconte toute cette histoire, où pullulent aussi des oiseaux, et puis plein d'animaux, des mammifères aussi, avec des pullulements de cris et de chants dans l'air environnant. Et il montre comment les grenouilles accompagnent ces sons, les crapauds, ainsi qu'une énorme quantité d'insectes aussi qui ont des sons très particuliers. Une très belle exposition a été organisée en France à la Fondation Cartier en 2016 sur son œuvre et l'écoute du vivant. En fait, aujourd'hui, l'environnement naturel change beaucoup trop vite. Et en dehors des images, il est clair que les paysages sonores sont aussi déterminants pour préciser l'ampleur de ces pertes irrémédiables du vivant que nous déclenchons tous les jours. Par exemple, on peut assister dans une forêt tropicale à quelque chose qui nous paraît naturel, elle n'est pas abîmée. Il y a des oiseaux, mais ils chantent plus. Ce qui veut dire qu'il nous faut à la fois associer les photographies, les films que l'on a faits, mais aussi les enregistrements sonores. Et Bernie Krause reste là des pionniers extraordinaires de ces questions de l'écoute animale dans l'eau et dans l'air depuis le commencement. Merci. Merci Gilles pour votre chronique et merci à vous d'être à l'écoute. Merci à toute l'équipe, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Garance Prima Agnolo, Céline Lozen, Nafi Terras, Mariam Ibrahim. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Alex Dang. Cette émission se podcast sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. Souvenez-vous, rien n'est établi.